Vous êtes assez fou. 89.1. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Reiki. Timmy Thibodeau se fera un petit bonhomme de chemin pour parler d'actualité dans le monde que ça se passe. Et Gabriel Béhout pénétrera dans le hood de l'impro en allant dans les coulisses de la huître. Assemblage Reiki commence tout de suite. Bonjour et bienvenue à Assemblage Reiki en ce mardi 16 février 2016, 70 jours avant la fin de l'année scolaire 2015-2016. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Bourdin. Et on est en direct des studios de Sifou à Trois-Rivières. Oui, beau petit cocktail météo à l'extérieur ce matin. Cocktail, un petit cocktail. La fille est en 28 jours, pas le choix de le dire cocktail. En 28 jours sans alcool. C'est ça. Les gens à la maison, j'espère, ont pris leur alcool pour... Pas mal de conduire. Le campus est vide aujourd'hui. Le campus est vide, mais il faut savoir que l'université, en théorie, est ouverte. C'est la seule institut qui n'est pas attachée à une, commission scolaire fermée, donc, ouais. Automatiquement, quand tu deviens adulte en temps normal, tu vas à l'université. Tu t'arranges pour te rendre. Hein? C'est ça. Il y a plein d'autres façons que votre voiture, si ça ne fonctionne pas. Oui. Mais les gens ne viendront pas à leur cours aujourd'hui. Ben, je penserais pas, puis je crois qu'il y a beaucoup d'enseignants aussi qui sont pas nécessairement d'ici. Donc, automatiquement, il va y avoir des cours qui vont être annulés. Moi, le conseil que je donnerais, c'est d'aller dans vos boîtes de courriel. Si vos professeurs annulent, vous allez savoir par là. Puis aussi, sachez qu'il y a des cours qui sont suspendus à la commission scolaire de l'énergie et aussi la commission scolaire Chemin du Roi. Les écoles sont fermées. Et là, on parle des centres de formation professionnelle Qualitech Bel Avenir. Donc, même du côté adulte, c'est terminé pour la journée. Centre d'éducation des adultes du Chemin du Roi, le Mauricie English Elementary School et ainsi que Three Rivers Academy, ils sont fermés. Pas de cours pour vous, restez au lit. Ben oui, profitez d'une pédagogique flottante comme ça. Ah, c'est pas le fun. Ah, c'est pas. C'est plus facile de dire qu'est-ce qui est ouvert finalement. C'est l'Université du Québec. C'est l'Université. Voilà. Hey, j'ai retenu là-dedans, si les professeurs sont pas d'ici, est-ce qu'ils sont indici? Pensez-y. Oh, peut-être. Pensez-y pas trop longtemps. Non, c'est ça. Plan d'aujourd'hui, Tania, je te dis ça comme si ça allait avoir lieu. On va voir si ça va tenir d'ici la fin de l'émission. Mais le plan est que nous aurons Jimmy Thibodeau à 8h pour sa chronique. C'est dans le monde que ça se passe. On parle d'actualité qui passe sous le radar, donc un petit peu moins populaire que d'autres sujets qu'on mentionne d'habitude. On a Gabriel Béhoud à 8h30 pour parler de la Luître, la Ligue universitaire d'improvisation de Trois-Rivières. Donc ça va être à 8h30, on va parler du match d'hier, match spécial entre la Luître et la Lime. C'est vrai, c'était hier ça, oui. Ce fameux match-là. Première de deux parties, ça continue ce soir à la Maison de la Culture. Ah ouais? Oui, on va voir avec la température s'ils ont moins de monde. On avait comme 125 plus spectateurs hier. Oh, c'était ça c'est cool quand même, c'est vraiment hot. Vraiment le fun. Contrairement à hier, on a du temps pour ta chronique aujourd'hui. Tania, qu'est-ce qui s'en vient dans Tania is Gonna Entertain? Hier, j'avais dit que j'allais vous parler de ce que j'avais découvert durant la fin de semaine. Malheureusement, pas eu le temps d'en discuter hier parce qu'on avait beaucoup d'invités. Ouais. Donc, j'ai juste décidé de prendre ma chronique d'hier et de la transporter pour aujourd'hui. Wow! Je vais quand même vous parler de certaines choses que j'ai découvertes durant la fin de semaine. Puis vous allez voir, il y en a qui sont fun, il y en a qui vont peut-être faire plus jaser que d'autres. Ah! Controverse! Ou controverse. Donc, Tania is gonna entertain d'ici la fin de l'émission. Là, on a commencé à 2-3 petites minutes en retard. Là, aujourd'hui, on s'entend que le système d'autobus est aussi fiable que votre voiture à la maison. Donc, allons-y avec une petite pièce qui nous explique pourquoi on est là ce matin dans la neige. Ben oui, dans la neige. On est là parce qu'on doit braver la neige. Mm-hmm. Le ski, l'assemblage requis. Au 89.1 FM. Assemblage reski. Oh, assemblage reski. Tape ses cuisses. ciel noir, sans étoiles, une cabane au fond des bois. L'hiver sauvage, cette année-là, t'avais jeté dans mes bras. Ta jeunesse, ta maladresse, puis tes jolies fesses. Tu fuyais le monde immonde à chaque seconde. Feu de forêt dans mon corps. T'as ouvert la boîte de Pandore. Je n'avais plus faim, je n'avais plus soif. Tout était enfin à sa place. Pendant qu'on retrouvait nos sens, quelque chose nous observait en silence. On s'est trouvé une couverture qu'on a posée. Du foyer allumé, comme nos deux corps exaltés. Je voulais que ce moment dure toujours. Je voulais que ce moment dure toujours, mon amour. Avec dans la neige, qui parle déjà du printemps, lui. Mais il y aurait quand même beaucoup de plaisir ce matin. Et maison. Donc, c'est sûrement sa dernière semaine au palmarès. Sinon, c'est déjà fini. On l'entendra plus. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Maintenant... On sait pas encore, en fait. Non, on sait pas. Il y a de bonnes chances que. Spoiler alert, les palmarès, c'est fou cet après-midi entre 15h et 18h. Mm-hmm. C'est pas ça le spoiler que l'émission a lieu. Mais non, mais non. Ça, tout le monde le sait. Bref, tout le monde le sait parce qu'on fait de la publicité sans dessus-dessous. On est là, puis le marketing des palmarès c'est fou est incroyable. T'as sûrement vu les panneaux publicitaires. Uh-huh. Donc voici le bloc pub. Venez au bon marché. Oui, papa. Tout le monde aime. Je préfère le gouda. I love you and I kiss you. 4,99$ la minute. Ah, que ça commence donc bien! Ben oui! On parle de marketing et d'idées publicitaires pour essayer de faire vendre les choses. Et c'était la première fois que je voyais de ma vie. Faut dire que j'ai pas vraiment cherché, mais de la grosse publicité pour TV5. Oh, hey, j'avoue, ça se voit pas. souvent. Mais rarement. Donc, une campagne d'affichage de TV5 faisant la promotion de la série Voir les choses autrement sera déployée durant les prochaines semaines à Montréal. Chaque visuel reflète un des aspects de la programmation de TV5, soit le voyage, l'histoire, la culture et l'insolite. Ces quatre thèmes sont présentés dans des capsules vidéo réalisées en collaboration avec Fred Pellerin. Ah. Au cours des prochaines semaines, des affiches seront déployées dans le métro, sur des colonnes de rue, dans le réseau de l'Agence métropolitaine de transport et à l'aéroport. Depuis, une murale sera installée sur les quais de la station de métro Place des Arts. Il y a une photo sur assemblagerequis.com où on a l'air vraiment d'avoir fait comme de l'englobage de bateaux au fond des mers sur les murs. Donc, tu as l'impression de vraiment entrer là-dedans tellement que c'est grand. Bref, ça t'entoure. C'est super beau, par exemple. Puis, il y en a plein d'autres qui sont là dans l'article. Un chien poilu. C'est vraiment l'aspect minimaliste que j'aime de la chose. C'est une photo en plan rapproché, semi, avec juste le logo TV5 et Voir les choses autrement. Mm-hmm. Sinon, il y a une personne qui marche dans des rues très, très colorées avec des pots de quelque chose dans les mains. C'est pas, ça va chercher de l'eau? Ouais, je crois que c'est de l'eau. Ouais, hein? Mais j'aime vraiment, surtout les grandes murailles. Oui. Murales. Ensuite, allons-y avec « Veux-tu être mon KPI? » Qu'est-ce que ça veut mon dire? Mon KPI? Ouais. Evans Hunt, une agence située à Calgary, a souhaité donner un peu d'amour à ses clients pour la Saint-Valentin en leur envoyant une boîte de bonbons où des messages amusants sont inscrits. Pensez sur le ton de l'humour, cette initiative s'amuse des messages de la Saint-Valentin en les parodiant au langage publicitaire. 9 messages tels que « Talk copy to me », »,« Parle-moi textuellement », ou « Brief me good », renseigne-moi, ont été ainsi imprimés sur des bonbons en forme de cœur et envoyés aux clients de l'agence dans une boîte conçue sur mesure aux couleurs de la Saint-Valentin. Dans un entretien avec InfoPresse, l'agence révélait que le principal défi était d'intégrer des messages de 9 caractères par ligne en pensant à des clichés de la Saint-Valentin. Le but était d'envoyer un message aux acteurs de l'industrie « Aimez ce que vous faites, mais ne vous prenez pas trop au sérieux ». L'automne dernier, l'agence avait déjà fait preuve d'une intention sympathique envers ses clients avec Creative Kindling, une boîte qui était remplie de conseils créatifs envoyés pour les aider à trouver de l'inspiration. Donc, on voit des publicités sur les petits cœurs comme Optimize My Search, Optimise ma recherche. Ouh. C'est super joli. Talk copy to me. Oh, oui. Parle-moi copier. Ensuite, Wired laisse le choix à ses lecteurs. Je trouvais ça intéressant comme idée. Le magazine américain va proposer du contenu sans publicité contre 4$ américains par mois. Les lecteurs qui voudront accéder gratuitement aux articles devront retirer leur logiciel de blocage publicitaire. Après Forbes, GQ et plus récemment Narcity qui a implanté un système obligeant ses lecteurs à désactiver leur bloqueur de pub, le magazine Wired joint les éditeurs qui font payer leur lectorat pour contrer le phénomène des bloqueurs de pub. Le magazine spécialisé dans l'actualité médiatique va offrir dans les prochaines semaines un abonnement payant donnant accès à du contenu sans pub. Imitant donc GQ en proposant un modèle payant sans pub, Wired, qui appartient également au groupe Condé Nast, souhaite convaincre son lectorat qu'il est possible de continuer de créer du contenu de qualité. À raison de 4$ par mois, l'abonnement donnera accès à un site internet où les publicités seront remplacées par davantage de contenu rédactionnel. Ça va donner un petit plus à la place de juste enlever les pubs. Benetton donne un visage à la diversité. La campagne Face of the City, créée par l'agence 180 Amsterdam, utilise le Big Data pour illustrer l'hétérogénéité raciale et culturelle de Paris, New York, Milan, Londres, Berlin et Tokyo. Avec cette initiative, 180 Amsterdam et Benetton souhaitent utiliser des mannequins virtuels représentant la diversité des grandes villes sélectionnées. Donc, il y a une mannequin qui a été créée pour chaque ville selon la même méthodologie. Celle-ci provient d'une analyse précise des différentes ethnies qui composent la ville grâce à des données démographiques et des rapports d'études spécifiques à chacune. Par la suite, des équipes sur place ont photographié les habitants puis ont construit un visage unique en mélangeant les images selon les proportions adéquates. Donc, l'algorithme produit pour cette offensive veut représenter dans une juste proportion les différentes couleurs de peau et de cheveux, mais aussi les formes de nez, des yeux et de la bouche des habitants de ce lieu. Benetton a toujours placé la tolérance et la diversité au centre de ses campagnes, disent-ils. Pour le lancement de la collection Carnival Collection, la marque pousse cette volonté plus loin. Donc, on s'est destiné à l'affichage extérieur et numérique, ainsi que des médias imprimés. Ça présente le visage actuel des métropoles mondiales, empreint de diversité et de beauté. Ça a juste l'air d'un top modèle normal. Ouais, sérieusement, c'est carrément juste des mannequins. Mais c'est que cette fille-là n'existe pas. Mais je suis pas certaine qu'elle n'existe pas vraiment. Ben, c'est un amalgame. Donc oui, sûrement quelqu'un lui ressemble étrangement. Ouais, c'est sûr. Fort probablement. Et tu vois que, bon, Berlin, Milan, Londres, c'est pas super différent. Paris non plus. Non. Le monde, une fois aplati sur une seule base, à part pour Tokyo, ça se ressemble pas mal tout. Ouais, ils ont comme... Ouais, vraiment, ils se ressemblent vraiment beaucoup. C'est juste des top modèles, tout ce qui est le plus générique, tout ce qui est le plus ennuyant, à mon avis. Maintenant, une campagne romantique pour faire remonter la cote d'amour de la France. Oui, le 6 février dernier, Atout France, l'agence de développement touristique de la France, lançait sa campagne Romance en France par la distribution de roses à Montréal, Toronto et Vancouver. L'offensive qui a pour objectif de faire briller la France romantique se déploie partout au Canada durant le mois de février, le mois de la Saint-Valentin. Au début du mois de février, l'encart « Toi et moi, romance en France », un magazine bilingue, a été diffusé à plus de 120 000 exemplaires partout au Canada. Dans la foulée, Atout France ouvrait sur son site un portail bilingue dédié, regroupant des offres et des idées séjour et permettant de s'inscrire au concours « Toi et moi en France », dont le prix est un séjour à Paris pour deux personnes. De plus, 150 roses portant la mention « Romance en France » ont été distribuées à des journalistes, influenceurs et prescripteurs d'opinion partout au Canada pour créer du bruit en aiguisant la curiosité. J'ai toujours beaucoup aimé. En fait, c'est la première fois que je l'ai entendu comme ça, mais un prescripteur d'opinion. Ouais, un prescripteur d'opinion. Prescripteur, ça fait c'est préécrit. C'est bien dit. Oui, mais en même temps. Hein. La campagne s'accompagne également d'une vidéo virale d'un couple de Canadiens faisant découvrir son pari romantique. Activation tournée en simultané à Montréal, Toronto et Vancouver, filmée pour créer du buzz. D'une campagne Facebook de posts sponsorisés et de l'animation d'un réseau de blogueurs et d'influenceurs afin de créer de la viralité autour du dispositif et des vidéos associées. J'ai pas le lien vers la vidéo dans l'article, malheureusement, j'aurais aimé le faire jouer. Moi non plus, je l'ai pas. Je cherchais pas plus longtemps que ça. Ensuite, tu sais, quand tu dis que tu crées une vidéo virale. Mais t'as même pas dans l'article. Ouais, il y a ça. Ouais, exactement. Et en même temps, si tu dis que c'est viral, ça veut pas dire que ça va être viral. Ouais. Dans le but de promouvoir la 34e édition des Rendez-vous du cinéma québécois, le RVCQ, Québec Cinéma et LG2 lancent une campagne de promotion. Déclinée en messages télé et en affichage, l'offensive incite le public à venir rencontrer ses artisans préférés et du même coup se rapprocher du cinéma québécois. Est-ce que t'as vu passer ça? Je dois t'avouer que je comprends pas vraiment pourquoi les deux gars sont dans le même gilet. Ben, écoutons la publicité vidéo pour commencer. Monsieur Sicotte? On est dans un bar avec Gilbert. C'est-tu Gilbert? Ah, ben bon. Je sais pas, attends, je l'ouvre. Mais voyons donc! Sont rendus chez Monsieur Sicotte. Il placote. Rapprochez-vous de votre cinéma. Ah, voilà. Lors des rendez-vous du cinéma québécois. Pascal Mussière? Oui. Dans un bar. Je suis contente de vous voir en vrai. Ah, ben merci. Bon, j'aurais fait pareil. Et là, il donne un massage à la madame de temps. Rapprochez-vous de votre cinéma lors des rendez-vous du cinéma québécois. Une présentation de la SAQ en collaboration avec Radio-Canada. Donc, c'est pas un chat, c'est une pancarte qui faisait du bruit. Mais c'est comme si on devenait amis avec les acteurs de nos cinémas québécois. Tu sais, celle avec Gilbert? Scott? Mais ça, c'est Gilbert, ouais. La cote puis Boisvert, ça va. T'sais. Mais un massage romantique dans un lit, OK, c'est cool, mais je m'attendais pas. Parce qu'on fait tous ça entre filles. Ouais, ben j'imagine. Non, je pense pas, mais il faut vraiment que tu vives avec la personne pour arriver à faire ça un jour. Tu m'avais mis l'idée dans la tête. Je viens de donner des idées à Mathieu. Des YouTubers s'approprient un concept vieux comme Internet. As-tu entendu parler des Fine Brothers dans la vie? En général, les vidéos React, comme les Kids React, Elders React. Oui. Où on montre un gadget vieux à des enfants, puis ils réagissent. Ils se demandent, bon, comment est-ce qu'on fait pour ouvrir cette affaire-là? Bon, tout le monde a vu passer ça, là, c'est viral. Mais les YouTubers, les Fine Brothers, subissent les foudres des internautes depuis l'annonce du lancement de React World, un réseau visant à contrôler les vidéos React, qui capture les réactions de personnes face à différents types de contenus. Donc, les frères Benny et Raffi Fiennes sont à la tête de la chaîne Fine Brothers, comptant plus de 13 millions d'abonnés sur YouTube. Spécialisés dans le React Video, leur chaîne regroupe des centaines de vidéos comme celle-là. Depuis 2007, leurs vidéos totalisent plus de 3,8 milliards de visionnements sur YouTube. Le 26 janvier dernier, les deux frères ont annoncé avoir légalement breveté le concept de React Video. Ils proposaient ainsi aux internautes de diffuser gratuitement leurs vidéos de réaction auprès de leur auditoire, approchant 14 millions d'abonnés, mais prenant alors de 20 à 50 % des recettes publicitaires. Remplis de bonnes intentions, les frères affirment vouloir créer une communauté en permettant une uniformité des vidéos de réaction et en encadrant les nouveaux adeptes, en leur fournissant les graphiques, les bibles de concept, comment est-ce qu'on filme ça, comment est-ce qu'on fait du tac au tac dans leurs vidéos YouTube. Bref, la chaîne Fine Brothers visait un monopole sur ces vidéos-là, alors que pourtant c'est un concept qui existe depuis vraiment toujours. Ça a causé de nombreuses réactions hostiles sur la toile. Les internautes y voyaient une tentative de soutirer de l'argent aux YouTubers concurrents en s'appropriant un concept qui existe déjà depuis longtemps. D'autre part, les critères délimitant la franchise de React World demeuraient flous car ils s'attardaient sur des éléments structurels, comme je disais, les éléments graphiques, le rythme des vidéos et surtout le jugement des frères Fine. Depuis, la nouvelle franchise était grandement critiquée car elle brevetait quelque chose qu'elle n'avait pas inventé. Selon le site Know Your Meme, qui s'intéresse au contenu viral sur Internet, la première vidéo de réaction date de 98. On se rappelle, c'était l'enfant qui recevait un Nintendo 64 puis qui capotait bien raide. Donc, le mécontentement des internautes a été rapide. La vidéo postée par les frères a récolté 279 000 votes négatifs et causé plus de 150 000 désabonnements. Plusieurs YouTubers ont réagi à l'annonce, dénonçant l'imposture, favorisant l'argent plutôt que la communauté. Et justement... Ensuite à ça, les Fine Brothers ont supprimé leurs deux vidéos ainsi que presque toutes les copies présentes sur YouTube. Ils ont sorti une petite vidéo d'excuses. C'est triste pour eux d'avoir perdu tout l'argent qu'ils ont investi, j'imagine, dans ce projet-là. Mais on s'entend que c'est un concept un peu facile. Et j'aime bien le fait qu'ils ont sorti une autre vidéo qui s'intitulait « It's not about the money, it's about creating a community that makes us money ». Ce qui veut dire « Ce n'est pas pour l'argent, mais pour créer une communauté qui nous fera gagner de l'argent ». C'est un peu, tu sais, capitaliste. Ben, capitaliste, mais il faut se rappeler qu'à la base, quand tu décides d'ouvrir une chaîne YouTube, tu sais, t'es pas le seul. Il y en a plein d'autres qui font exactement la même chose que toi. Donc, est-ce que c'est vraiment mal vu que de vouloir s'associer avec quelqu'un? Exact. Parce que tout le monde fait des vidéos avec un autre YouTuber à un certain point, là. Et on s'entend qu'eux, il y avait la particularité d'avoir, bon, différentes catégories. T'avais, tu sais, les personnes âgées réagissent, les YouTubers réagissent, les enfants réagissent, les, tu sais, il y en avait beaucoup. Donc, ça, quand même, c'est pas. C'est un peu comme une émission de talent, là, genre. Du talent à revendre. Il y en a depuis des décennies, des émissions de talent, mais le spécifique format de America's Got Talent ou Britain's Got Talent a certains facteurs clés dans la bible de l'émission qui font que ça, il faut que tu payes pour l'avoir. N'importe qui peut faire l'émission de talent, du talent de 0 à 1000, l'échelle du talent. Ça ne veut pas dire que ça va marcher parce que c'est l'émission de talent. Alors qu'une version québécoise de du talent à revendre peut-être fonctionnerait plus à cause du format déjà. Exact. Bref, c'est pour ça qu'ils ont fait ça et ils ont retiré complètement ça. Je ne sais pas s'il va y avoir une suite à ce genre de concept, peut-être quelque chose de plus clair, de plus juste. Je trouve qu'on tape sur la tête des gens assez rapidement. Ouais, moi aussi, je suis d'accord avec toi. Ensuite, continuons, toujours dans le bloc pub. Avant de se fâcher. Non, c'est ça. Tantôt, on a parlé de fermer une portion de Wired. Maintenant, c'est The Guardian avec du contenu commandité qui crée la polémique. Oh. The Guardian a publié un texte accusant Nestlé de se fournir en marchandises provenant de l'esclavage en Thaïlande et en Côte d'Ivoire. Un article était commandité par Mondelez, le principal concurrent de Nestlé. OK. Mondelez International, qui possède notamment les marques Oreo et Cadbury. Finance cet article sur les pratiques de Nestlé. Il s'agit de contenu commandité, comme ça peut être mentionné en marge du texte. Depuis, Mondelez occupe les deux espaces publicitaires de l'article et il fait la promotion de son programme de développement durable, l'appel pour le bien-être. The Guardian assure cependant que ses journalistes ont une liberté de contenu totale. De son côté, Mondelez confirme n'avoir aucun contrôle sur le texte contre son principal concurrent et déclare que, comme pour chaque publication, il y a une séparation stricte entre journalisme, oui, et publicité. Donc, nous n'avons aucun mot à dire quant au contenu dévoilé dans cette section. Peut-être qu'il n'aurait juste pas été publié s'il avait été négatif. Ouais, peut-être. Contre eux, bien sûr. L'article en contenu commandité s'inscrit dans la section « Chaîne d'approvisionnement durable » du journal britannique The Guardian. Il dénonce l'esclavage présent dans les chaînes d'approvisionnement de la marque de produits pour chat Fancy Feast, propriété de Nestlé. Nestlé qui a vite réagi, assurant que le travail forcé n'a pas sa place dans sa chaîne de production. La marque a changé de fournisseur et a annoncé se diriger vers une nouvelle ère de contrôle de ses chaînes d'approvisionnement. Titré « Nestlé admet l'esclavage en Thaïlande tout en combattant des poursuites similaires en Côte d'Ivoire », l'article démontre une volonté de creuser le sujet en profondeur. Nestlé est poursuivi pour des affaires similaires en Côte d'Ivoire, mais à l'inverse de l'affaire thaïlandaise, Nestlé n'a pas admis ses torts. Oh. Pourtant, c'est bon. L'affaire du contenu commandité, quand tu vois sur Facebook, Twitter ou peu importe, qui ont un petit fond différent, d'une couleur différente, ça souligne le fait que c'est commandité. Dans cet article-là du Guardian, les espaces pubs, premièrement, les gens les bloquent, les pubs. Les gens ne regardent pas les pubs. Donc, le seul symbole qu'on a, c'est « Supported by Mondelez International ». Et « Supported », ça veut dire « soutenu par ». Ça veut pas dire « commandité par »,« acheté par », « mis là par ».« Supported », ça veut dire qu'on s'encourage mutuellement. Ouais, c'est comme un partenariat. Pas assez clair, à mon avis. Un public reportage devrait être marqué « Sponsored by ». Ou, tu sais, un mot qui est vraiment évident pour tout le monde. Je sais pas si « sponsorisé » est tellement un mot qui veut dire « commandite » pour le monde. Je sais pas. Je me demande. Moi, je sais que « sponsored » veut dire ça, mais le public moyen, sait-il ce que ça veut dire « sponsorisé » ? Faut pas prendre le monde pour des épées non plus, mais quand même. Mais non. Maintenant, l'agence Kundari sort son bon français. L'éducation en langue française en Ontario lance une campagne promotionnelle visant à promouvoir les avantages liés aux études en français dans cette province. Signée par Kundari, l'offensive permet à l'ELF de faire connaître le réseau scolaire de langue française en Ontario, puis d'en favoriser la croissance. C'est un message télévisuel qui est diffusé sur des chaînes conventionnelles et spécialisées. J'ai envie qu'on aille écouter ce pre-roll-là. Un petit, je crois que c'est un 30 secondes. On voit l'enfant sur sa tablette dans son salon. Mom, il arrive dans la cuisine. Maman, papa, il faut qu'on se parle. Là, il est temps qu'on décide de ce que je vais faire de mon avenir. Les parents coupent les légumes. J'ai fait pas mal de recherches et je pense qu'une école de langue française serait le meilleur choix pour assurer ma réussite scolaire et élargir mes perspectives de carrière. Il parle vraiment très bien français pour quelqu'un qui n'a pas encore étudié le français. Il est bien d'avoir étudié une corde à son arc. Les parents sont fiers. French language schools in Ontario, the best choice for your children's future. OK. Je tiens à dire que c'est vraiment bon, sauf que clairement, le petit gars est québécois. Oui, mais tu sais, c'est ça. Si tu veux que ce soit réaliste... Il joue dans les annonces québécoises, en fait, le petit gars. Dans des annonces québécoises qu'on connaît pas seul. Oui, sur oui, des annonces... Tu sais, les fameuses annonces... Jérémy, t'as-tu touché à mon téléphone? Puis là, il est dans le bain, puis il joue avec le téléphone de ma mère, puis il répond « Non! » Puis là, quand il arrive sur l'heure du souper, puis il mange des légumes, il dit « C'est-tu des légumes, ça? » Puis là, sa mère fait « Mais non, c'est un mijoté. » Wow, la télé me manque pas tant, je te dis. Ah, oh, t'as jamais vu ces annonces-là? C'est pas le cas. C'est la fameuse annonce « Si vos enfants vous mentent, vous faites leur mentir aussi. » Ah oui, on a déjà parlé, oui. Des légumes. Oui. Puis en fait, il joue dans une des annonces. C'est vraiment celle-là, il joue avec le téléphone de sa mère dans son bain. Légumes. Wow. Ben, je l'ai pas reconnu. C'est un petit gars québécois. Oui, ben, il est bon. Mais c'est ça. J'imagine que s'il y avait eu un accent francophone cassé, on aurait chialé parce qu'il aurait pu prendre quelqu'un qui parle mieux. Alors qu'il parle trop bien, hein, il aurait pu parler moins bien. Ben là, je sais pas, par exemple, si on aurait tant chialé que ça, parce qu'en théorie, c'est l'éducation en langue française en Ontario. Oui, mais il n'a pas encore étudié. Il y a quoi? Il y a 6 ans, genre. C'est pour ça que je dis que oui, ça aurait été valable qu'il y ait un français cassé. Oh, les parents, il faut qu'on se parle. Ouais, c'est ça. Diesel, tu connais ça? Oui. Marque de vêtements, là. C'est mon parfum aussi. Ah oui? Donc, Diesel qui se met à l'ère de l'obsession numérique. La nouvelle campagne de Diesel mise sur la fusion entre le monde numérique et le monde réel avec une approche se voulant provocatrice. L'opération pour la collection printemps-été 2016 a été créée par Spring Studio à New York. Ils mettent en vedette plusieurs mannequins, le chanteur Joe Jonas, ainsi que l'actrice et designer Kiko Mizuhara. Selon Andreas Neofitu, directeur artistique de Spring Studio, l'offensive se met un commentaire assumé sur la culture et la célébrité dans la génération post-numérique. Donc, on voit les affiches avec une top modèle beaucoup trop maigre, avec un manteau de cuir et... en fait, c'est un top modèle, on va se le dire. Ah! Oui, je sais. Attends, parce que lequel? On regarde la poitrine. Ben, on, c'est on une montre, femme. On, ben, on, je sais pas, mais on montre un sein inexistant. Oui, mais c'est une femme. T'es sûr? Ben, honnêtement, là, je sais plus parce que je regarde dans ses pantalons. C'est androgyne, je te dirais. Moi, je trouve que c'est masculin comme personne, mais c'est ça, on sait pas. Bref, et le slogan est Holy Denim, sacré de nain, avec une petite émoji de princesse en dessous. C'est un ange. Ça, j'ai l'émoji dit. D'ange. C'est ça, j'ai dit. C'est sur fond blanc, on voit pas ce qu'il y a. C'est sur fond blanc, là, les ailes. Mathieu est aveugle. Mathieu a un écran qui fait du shakeage tout le long, je sais pas trop. La deuxième, c'est top modèle, gars et fille. Sur le gars, c'est écrit hers, donc à elle. Et sur la fille, c'est écrit his, donc à lui. Et le slogan est what's yours is mine, ce qui t'appartient m'appartient. Avec un hashtag que je suis pas capable de lire parce que j'ai pas des assez bons yeux. Ah non, sérieusement, là, pour le hashtag, je suis pas capable de lire. Bon, attends. L'autre, le gars, c'est écrit hashtag diesel match. Donc comme un Tinder match, mais un diesel match. Et sur sa cuisse, no filter, aucun filtre. Et. Le slogan est « Took it for you », je l'ai pris pour toi. Puis là, il y a un petit emoji de boxer. Un boxer, parce qu'évidemment, le gars sur la publicité est seulement boxer. C'est ça, on parle de. Et j'aime beaucoup le fait que ça soit marqué « No filter ». Oui, c'est vraiment cool, ouais. Sinon, il y a un gars avec des souliers bizarres, beaucoup trop gros pour lui dans ses mains. Et ça dit « Sur ma liste de souhaits, on my wish list ». Et là, t'as l'icône, l'emoji des mains qui prient. Alors que pourtant, savais-tu que ces mains-là, des high five. C'est supposé être des high five. Ouais. Et je pense que Diesel n'a pas eu le message. Mais bref. Non, en théorie, ils l'ont eu parce que si tu regardes bien, les manches ne sont pas de la même couleur. Ah, ben, pas tard! Tandis que sur ton téléphone intelligent, elles sont de la même couleur. As-tu regardé un petit peu les vidéos qui sont en dessous? Aucunement, parce que ça, on dirait que ça me trouble. Bon, de mon côté, je vais regarder la fille parce que c'est moi qui ai l'image quand même. Donc, sur 15 secondes, on voit une fille, encore une fois, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop mince comme où est-ce qu'elle met ça. Et là, les plans se promènent sur elle et se dit « I'm » avec du feu. Et I'm always turned on. Je suis toujours en feu allumé, si on même veut. Même chose pour la photo, la vidéo avec le gars. Ouais, ben c'est pas super hot, là, mais bon, quand même. Elle est vraiment. Ça a pas d'allure, hein? Ouais. Sérieux, c'est un rail de chemin de fer, cette fille. Ensuite, continuons. Je pense qu'on a rien que ça à faire aujourd'hui. Hein? Donc, Arbora invite les Montréalais dans Griffin Town. Oh! Performant Marketing signe une image de marque et une campagne pour le projet immobilier Arbora. Le défi était de démarquer Arbora des autres projets immobiliers du quartier montréalais Griffin Town en lui offrant une image de marque authentique et des outils de communication adaptés à ses valeurs écologiques et innovatrices. Donc, ils ont créé une clôture de chantier en bois CLT dans laquelle des hublots étaient creusés. Lorsque les gens s'arrêtaient pour regarder en pensant voir le chantier de construction, ils découvraient plutôt des images du projet mises en valeur par un système de loupe. La clôture en bois CLT permettait de plus aux futurs acheteurs de voir et de toucher le matériau qui composera leur futur logement. La stratégie de communication exploite l'expérientiel, l'événementiel, le web et les médias traditionnels. Deux brochures ont aussi été produites en plus d'une brochure de vente informative ainsi qu'une sur le bois massif CLT. Chaque outil a été pensé dans un esprit de développement durable pour représenter le bois CLT qui veut dire Cross Laminated Timber, un bois d'ingénierie. Celui-ci étant un nouveau matériau, une vidéo a également été réalisée afin de le présenter, de vulgariser sa fabrication, de sa provenance et son aspect éco-responsable grâce à des entrevues avec des experts. Une campagne de médias traditionnels privilégiant l'affichage a été déployée. Elle mise ainsi sur des panneaux avec des racines en extension pour illustrer la signature « Prenez racine dans Griffin Town ». Griffin Town, qui est le nouveau quartier si huppé de Montréal. Tout à fait. Griffin Town, Griffin Town, Griffin Town, la ville du bois. Hein, on dit. Ben oui. C'est ce qui tente. Toys R Us veut éviter les « fails ». OK. Open signe une campagne nationale des fêtes pour le détaillant de jouets pour enfants sous le thème « Les faux pas des fêtes ». L'opération mettait en lumière des personnages qui, malgré leurs bonnes intentions, choisissaient le mauvais cadeau pour leurs enfants. C'était déployé à la radio et en ligne, en français et en anglais, bannière web, etc., etc. A été conçu par l'agence torontoise Open en collaboration avec les studios Apollo et la maison de production One. Écoutons, tiens, le fail en français. J'en ai un en français ici. Ouais, ouais, ouais. Avec Dan, True Festive Fail. C'est un petit 25 secondes. J'ai pas la vidéo de mon bord, toi, tu l'as? Voici oui. Dan. Salut. Dan n'est pas étranger au faux pas des fêtes. Raconte-nous ça, Daniel. Mon fils voulait Guitar Hero Live cette année. À la place, j'ai décidé d'acheter pour toute la famille des ukulélés. Ben voyons donc. On va se monter un groupe. Daniel. Évitez les faux pas des fêtes. Ouais. Avec les jouets que les enfants adorent. Seulement chez Toys R Us. Donc, en fait, c'est vraiment juste un gars qui parle assis sur son divan. Oui, c'est un peu pas grand-chose à décrire de plus que ça. Non, puis en fait, moi, dans mon article, Dan est la publicité anglophone et Suzy est la publicité francophone. Quand elle était fancy de ton bar. Pourtant, on a le même article. C'est ça, exactement. Bref, il y a des versions radio, des versions plus courtes, plus longues, et en anglais et en français sur assemblagerequis.com si ça vous intéresse. Et c'est tout pour le pub. Ben oui. Voilà. On a les liens sur assemblagerequis.com. On prend une pause. Au retour, Jimmy Thibodeau est là. Surprise pour tous, il a réussi à se rendre. Deuxième semaine de suite. Il a bravé la tempête. C'est ça. Mais pour l'instant, c'est ça, on prend la pause et puis au retour, Jimmy Thibodeau. Avec ça dans le monde, que ça se passe, reste. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous êtes à Assemblage Reiki en ce mardi 16 février 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plon. Oh oui, maintenant, on l'a dit, il a réussi à se rendre. Oui. Jimmy Thibodeau et sa chronique, c'est dans le monde que ça se passe. Bonjour à toi. Eh oui, bonjour. Hello. Bonjour. Hello. l'humeur est pas trop parrain, congelée. Hein? Ah non, ça va. Ça a dégelé, ça a dégelé. Ouais, on parle d'actualité, je dirais qu'il passe sous le radar. En fait, c'est pas mal le slogan qu'on a trouvé pour cette chronique-là. On parle d'habitude d'actualité qui est un petit peu moins explorée par d'autres chroniqueurs d'actualité à travers Assemblage Reiki parce qu'on a beaucoup. Hein? C'est vrai. Tout à fait, mais cette semaine, je vais vous parler de journalisme plus particulièrement, le journalisme d'ici et d'ailleurs. En fait, côté médias et journalisme, il y a évidemment, il y a plusieurs problèmes qu'on peut explorer. Il y a la concentration des médias, la marchandisation des nouvelles, ou encore le sensationnalisme, plein de choses. Mais aujourd'hui... On parle juste d'un seul journal avec tout ça, en passant. On vise vraiment, tu sais, le journal. C'est ça. Ouais. On le nommera pas. Non. Mais vraiment, c'est généralisé. Et puis, cette semaine, je vais vraiment me concentrer sur les compétences de nos journalistes. L'incompétence ou les compétences, c'est ça? Les. J'ai dit les compétences, mais je me dirige peut-être plus vers incompétence dans ma chronique. Si le chapeau leur fait, hein? Ah. Ouais, comme c'est on ça. Dit. Exactement. Ouais. Qu'est-ce qui m'a fait penser à ce sujet-là? D'abord, c'est vraiment une nouvelle qui est sortie cette semaine. À Fox News, le réseau sport de Fox News, il y avait une émission de basketball et puis là, il y avait un des animateurs qui disait

T'es un créateur de contenu. Content. Donc, nous, on prend une petite pause au retour. Ce sera Gabriel Béhoud, la chronique dans les coulisses de l'huître. Lui, il était sur le terrain hier. Uh-huh. À parler très, très lentement. C'est un journaliste d'improvisation. Ah, oh, ben, Colin, c'est bon, ça. J'aime ça. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Bonjour, c'est l'Assemblage Rocky en ce mardi 16 février 2016. Elle est Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. 16-02-16. 5-02? J'aime ça, 16-02-16 comme février. Ah, 16-02-16. J'aime ça, c'est comme égal. Tu sais, 2-0 comme dans 2016, 0-2 comme dans février. C'est vrai. C'est comme genre 1-6-02, 2-0-1-6. Floup, floup, floup. Hein? Non? Oui. Ça va nous emmerder, t'attends? Mais oui. J'essaie de faire du contenu original. Oui. Hey, on a passé une demi-heure à faire de la pertinence avec Jimmy Thibodeau. Est-ce que tu t'en allais dire? Alors, allons faire de l'impertinence avec Gabriel Béhoud. Ben, je m'en allais dire, bien sûr. Le bouton va être à off sur la pertinence. Voici dans les coulisses de la huître. Comment? C'est dans les coulisses de la huître avec Gabriel Béhoud. Hey, salut. Salut. Ça va bien? Super, et toi? C'est cool. Une chance qu'on a des mots sur nos micros, hein? Ben oui. Une chance. Ce serait sibilant. Je pense que c'est ça le mot, sibilant? Sibilant. Oui. Sibilant. Le, quand les F sortent un petit peu. Ah, moi, je connais le grasseillement. Oui. Ça, c'est les gens qui roulent dehors. Ah, le grasseillement? Ah, oui. Ah, je connais les gentilés. Ça, c'est les noms des... gens qui viennent de des villes de gens. C'est ça. On s'en sort du vocabulaire aujourd'hui, ça n'a pas l'allure. Désespoir, mon petit monsieur. Désespoir. Oui, la sibilance est un sifflement respiratoire, le signe d'une gêne respiratoire qui peut être due à un corps étranger ou une maladie comme l'asthme. La réduction du calibre des voies aériennes joue le rôle de sifflet. On parle alors de râle sibilant. Tu vois, c'est pertinent. Ben, je te l'avais dit qu'il y aurait de la pertinence là-dedans. Ben, pas beaucoup, mais il y en a eu. Il y en a eu. Fait qu'on peut arrêter la pertinence à partir de maintenant. Donc, hey, y avait un match de l'huître hier soir. Oui, un match l'huître contre Lim, deux ligues d'improvisation de Trois-Rivières qui s'affrontaient. C'était, je te dirais, fruits de mer et agrumes. Oui. Oh. Ouais. Ça va bien ensemble, en fait. Généralement, oui. Un petit peu de lime sur une huître. Mignum. Mais savais-tu qu'on avait, l'argent, le budget pour s'envoyer un reporter sur le terrain? Oui. Oui, je savais, oui. Je pense que c'est bien. C'est oui. Gabriel Béhoud, tu connais peut-être? Oui. Bout en train. Bout en train, Hood, que voici avec lundi soir, le matin. Allez! Vous écoutez lundi soir, le matin, la chronique sur l'impro universitaire. Je suis Gabriel Béhoud, votre reporter pour la l'huître, la Ligue univers d'improvisation Rivière. Ce soir, match spécial opposant les joueurs de la l'huître. Joueur de la Lim. Bon match! Face à face. Je suis avec Jocelyn Garneau. Jocelyn Garneau est le président de la LIM. Jocelyn, qu'est-ce que tu fais comme président? Qu'est-ce que je fais comme président? Ben, je suis de gauche. Donc, la LIM est gérée très démocratiquement. Par contre, on a des tendances centristes. Parce que c'est chacun pour soi, hein, au début de l'année, quand il devient le temps des auditions. Mais après ça, on devient une ligue unie. Et puis, ici, je compte représenter la LIM ce soir, parce que c'est ma première sortie en tant que président. Puis, je voudrais pas mal faire ça, là. Certains parlent de collusion, d'autres d'hypocrisie. Jocelyn, j'ai fouillé dans les archives. Tu as déjà arbitré à la Luître. Tu es donc un transfuge. Que retiens-tu de cette expérience? C'est une expérience merveilleuse. Je le ferais encore si j'avais le temps. Malheureusement, mes fonctions de président me prennent énormément de temps et surtout mes études en récréologie. Donc, je manque un peu de temps pour le faire encore. Par contre, je retiens l'ambiance générale du spectacle qui est géniale. Je connais bien la foule. Ce sera certainement un atout ce soir, mais je me vois pas comme un transfuge parce que je n'ai jamais joué ici, alors que le reste de l'équipe a joué dans son entièreté à la Luître. Je suis donc l'inconnu là ce soir. Donc, si tu n'as jamais joué, quelle couleur aurais-tu aimé représenter pour terminer? Depuis que je joue à la LIM, je suis dans les oranges. Je sais qu'il y a une équipe orange ici cette année. Par contre, de regarder les statistiques des années précédentes, je suis pas certain que j'aimerais ça être dans les oranges. Si je me trompe pas, là, ça fait longtemps qu'ils ont gagné. Mais, écoute, n'importe quelle équipe, parce que l'important, c'est de jouer avec des partenaires de qualité à l'impro. Vous avez une belle ligue cette année, je trouve. Merci, Jocelyn, et bonne chance. Ça me fait plaisir, et merci de m'interviewer. Tu es excellent. Face à face. Je suis avec deux représentants des jaunes de la LIM, Monsieur Drouin et Monsieur Tanguay, que retenez-vous de votre expérience à la Luître? Ah ben, c'était un glorieux retour, hein, sur les patinoires des succès anciens. Nous sommes très heureux d'avoir pu participer à cet événement glorieux-diose. Ça, c'est glorieux et grandiose ensemble. Moi, j'ai hâte de voir s'il y a autant d'alcool qu'avant. Vous dites que c'était arrosé. Ça ne l'est pas à la LIM, visiblement. Qu'est-ce qu'il y a de différent là-bas? Ben, à place de s'arroser d'alcool, on s'arrose de talent et de bon goût, je dirais. Autrement, c'est pas Alex, on t'a quand même bien sur le banc. Toi. Ben oui, ben en fait, à l'âge que j'ai, hein, bien sûr, je porte un appareil auditif, bien sûr. Et ouais, dès que je montais le niveau à 7, j'entendais les gens parler au comptoir de la chasse-galerie et surtout délicieuse machine à expresso qui, ma foi, avait l'air de faire du café extraordinaire. Tellement que je suis allé me lever pendant un impro pour aller en chercher une. C'était très bon. Oui, d'ailleurs, il jouait sur l'impro, c'est génial. Oui. Et qu'est-ce que vous attendez du match de ça? Ce serait comme de dire que... En tout cas, ça va être bon. C'est tout présage. Bonne chance, messieurs. Merci. Ben merci. Bonne chance à toi surtout. Segment spécial. Segment spécial. Je suis avec l'arbitre La Poffine, la bandit Elodie Mongrain. Elodie, pour une fois, tu as une pénalité à la Luître. Je dois t'avouer que j'ai pratiquement joui. Ce qui n'était pas arrivé depuis, ma foi, très longtemps. Elle a dit, qu'est-ce qui a fait ce décrochage? En fait, il faut savoir que dans ma carrière d'improvisatrice, que ce soit comme arbitre, comme joueuse, comme coach, il n'y a aucun endroit où je décroche dans la vie. C'est vraiment pas ma réputation, sauf à la Luître. Et là, étant donné que je chaussais des souliers de joueuse ce soir, ben j'avais pas le choix d'obliger l'arbitre à me donner un décrochage, ne serait-ce que pour rappeler à la chasse-galerie les années où la Luître avait de l'allure. Madame Mongrain, j'aimerais ça que vous rechaussiez les chaussures d'une joueuse. L'affaire, c'est qu'il faudrait faire une équipe. Je suis pas sûr. Et puis, rôle de l'arbitre, mais on a besoin d'arbitres, donc ben on donne ça à des gens comme vous. Qu'est-ce que vous aimez de différent de jouer au lieu d'être pas fine? Ben c'est sûr que jouer, c'est toi qui fais les niaiseries. Puis quand t'es pas fine, ben c'est toi qui sévis. Mais on sait tous qu'après un match d'impro, les punitions de l'arbitre, ça vaut pas grand-chose. Non, c'est vrai que vous ne valez pas. Merci, Madame Mongrain, et bonne chance à la lime parce qu'à la Luître. Toujours un plaisir. Je suis avec un ancien arbitre qui reçoit une étoile. De l'arbitre. Je t'avais parlé, Jocelyn, de collusion et de corruption. En voici un excellent exemple. Comment te défendre? Pour ceux qui connaissent Antoine, l'arbitre, Antoine de Magog, je suis vraiment surpris d'avoir eu une étoile de lui. Dans la vie, moi et Antoine, on se déteste profondément. Et je m'attendais jamais à ça. Je pense que ça va faire des petits, cette chose-là, parce que je suis vraiment touché que Antoine vient passer à moi. C'était une belle étoile. J'ai jamais eu une aussi belle. Excuse-moi. Qu'est-ce que tu retiens du match si émouvant? Écoute, je pense que c'est comme 14 ans d'impro, puis c'est comme l'écuteur, je me sens tellement patriote, puis tu sais, je vois. D'accord. Ça. Non, non. Il. À poids. Jocelyn, je te remercie d'être venu, pis on s'ennuie. Pas toi. Dirait que le monde est en train de changer. Je me suis peut-être fait des idées. J'suis pas devenu celui que j'étais imaginé. Ah, Gabéo! Hey, Mathieu! Sur ce moment d'émotion à la fin! Hey! Oh! Mais c'était de la comédie! Hey! Fin de la scène! Voilà! Et donc, c'était lundi soir le matin, notre reporter sur le terrain, Gabriel Boutentrain-Houd. Ouais, avec une chronique légèrement plus longue que d'habitude. Oui, avec une partie bonus. Oui. À l'intérieur, c'est comme un Kinder Surprise. Un segment spécial. Oui! Tu t'es laissé aller sur les effets sonores. Ah, ouais, je me suis gâté. Spécial! Oui. Donc, le match hier qui mettait en affrontement total les comment? Ben, le Alex Drouin, oui, le Maxime Tanguay, le Jocelyn Garneau, le Élodie Mongrain. Oui. Et voyons, j'oublie un nom. Élodie Mongrain, Maxime Tanguay, Alex Drouin, Jocelyn Garneau, Vanessa Fortier. Vanessa Fortier et la joueuse de la Luître, habituellement. Oui, mais là, elle joue aussi. Elle joue aussi dans la Lime, mais elle a choisi son camp, clairement. Là, ben oui. Parce qu'elle a joué pour la Lime hier soir. Transfuge. Moi, je la traite de traîtresse depuis. Ben, t'as raison. C'est normal, tu sais. Ben. De son côté, du côté de la Luître. Oui. Son compatriote de la Luître, Frédéric Bernard, lui a choisi le camp de la Luître. Ouais, ouais, ouais. Donc, il jouait avec toi, Gabéout. Oui. Magali Brousseau-Arcand. Certainement. La recrue, Jonathan Picard. Des Oranges. Et le capitaine, Alexandre Marchand. Eh oui, bien sûr. C'était fun, ça. C'était un excellent match. Rempli de fantaisie de la part d'Antoine Lacasse. Ah oui, on a droit aussi à beaucoup de pénalités. Pour c'est un match spécial, généralement, on cible un peu moins. Il y avait pourtant même averti qu'il n'allait pas faire tant de pénalités que non, ça. Non, c'est ça. Mais il s'est donné à cœur joie tellement que ça a renvoyé deux joueurs. Ouais. Ben oui. Alex Drouin a été renvoyé du match et puis moi aussi. Pour avoir sorti un accessoire complètement illégal. En fait, racontons celle-là parce que c'était une des très bonnes improvisations de la soirée. C'était l'improvisation. Très bonne, je serais pas prêt. Très bonne. Très oui. Surprenante. Peut-être. Ben, mettons qu'on s'attendait pas à ça parce que vous aviez un accessoire imposé. Exactement, qui était soit un djembé, un petit tam-tam, ou une boîte, là, cajun. C'était qui, Alex Drouin, qui était du côté du tam-tam? Oui, ouais, exactement, ouais. Il y avait le djembé. Et puis, moi, j'avais une caisse de résonance, en fait. Et puis, on devait, comme pendant 2 minutes, improviser avec ça. Sans parler. Sans aucun donc, mot. Donc là, moi, j'avais trouvé une flûte à coulisses. Une flûte à coulisses qui, étrangement, est dans le local de la Luître depuis toujours ben, et c'est on ça, s'en sert jamais. C'est à moi. Oh. Puis là, hier, ça donne que, hey, qu'est-ce que je vois-tu pas? La flûte à coulisses. Fait que là, je dis, ben, je vais traîner ça dans mes pantalons tout le match. D'un coup, qu'un moment donné, ça serait utile. Un pipeau près du pipeau dans le pantalon. Ben, c'est ça. Puis, ouais, ouais. Et puis, les deux ont des coulisses. C'est... Non, c'est pas vrai. Ouais, c'est dégueulasse. Ça monte et ça descend. Oui. Oui, oui, c'est modulaire. Et puis, ben, c'est ça. Donc, Tu l'as sorti. Oui, oui, oui, exactement. Puis, je me suis gâté à qui mieux de... Mais tu savais que t'aurais une pénalité, c'est ce qui valait la peine, clairement. Là. Ben, moi, je trouvais ça drôle de sortir ça sur une impro où on avait seulement droit à des instruments musicaux. Je savais que je serais probablement... exclu, mais je trouvais que ça valait la chandelle. T'en as pris une pour l'équipe qu'on appelle. Ouais, ouais, ouais. C'est des exactement. Équipes de 5 joueurs en plus, donc c'est ouais, facile c'est de sûr, perdre un joueur. C'est moins. Sinon, bon, il y a eu les classiques d'Antoine Lacasse qui aime bien faire. La conférence de presse était là. Ouais. La chanter était ouais. Là. Il y avait le zapping. Oui, un zapping. Le vidéo way. Un vidéo way, toujours là. Intéressant. Donc tout était là pour, ouais, pour ouais, un match ouais, parfait. Ouais. Et ça a donné à la fin, avec le comptage c'était des. Serré. C'était serré, là, à un point de distance. Ça a donné. 10 à 9 pour la Luître. Wow. Sur son terrain. Ouais, ouais, c'est on deadly ground. Exactement. Est-ce que tu penses que ce soir, pour le match, le contraire, l'aller-retour... Oh là là là. Ben, en fait, eux, comme ils comptent... C'est pas c'est pareil. Non, exact. La première partie, en fait, est comptée à la pause. Les gens vont glisser un carton pour l'équipe qu'ils ont préféré. Donc, si, par exemple, ils ont préféré l'équipe des Rouges, ben, l'équipe, c'est-à-dire là, de la Luître, ils vont glisser un carton dans une boîte pour la Luître. Si on préférait la lime, ils glissent leur carton dans la boîte de la lime. Ouais. Ils compilent ces votes-là. Puis à la fin de la deuxième partie, ils recompilent des votes. Donc, ils calculent pas impro par impro. Ils calculent vraiment partie par partie. Ouais. Donc, c'est une question de momentum, en fait. On va le savoir ce soir. Ce sera pas genre le résultat ouais, au prochain match ou rien. Non, c'est ça. On devrait le savoir ce soir. Moi, ce que je me demande, en fait... C'est dans ce genre de format-là, ce qui est très intéressant, c'est que ça prend un bon début et une bonne fin, je pense, pour ouais. Avoir... Je parle un bon début de période, surtout, là, mais ça, c'est comme ouais, un classique. Il parle pas de période, eux autres. Ouais, c'est ça. De représentation, ben, théâtre. Deux... Ouais, c'est ça. Ben, il y a deux parties au spectacle. Ouais. Mais, tu sais, dans n'importe quel sport, qu'est-ce qu'on entend les entraîneurs dire après chaque match? Ouais, c'est sûr que ça prend des bons débuts de période, puis... Faut pas l'échapper en fait, période. Dans n'importe quel sport, c'est une redondance incroyable. Tout à fait. excuse-moi, j'ai beaucoup de la misère avec ma voix aujourd'hui. Moi aussi. Est-ce que t'as vu qui joue ce soir pour la Lime Luître? Oh mon doux seigneur. Ben, pour la Luître, il y a Francis Dugré-Lampron. Ouais. Il y a Vincent Réville. Ouais. Alexandre Rémy-Zouéki. Ouais. Alexandrine Pichesseuil. Ouais. Il y a Nadia. Non! Céline Dodico. Céline Dodico. C'est la présidente en plus de la Luître, donc ben oui. Faut être gentil avec elle. Et du côté de la Lime, jouerons. Oh mon Dieu, c'est oublié ça. Violette Gagné, ouais. Laurence Gélina, vétérane de la Luître. Rémi Francard, même chose. Louis-Étienne Villeneuve, même chose. Mm-hmm. Et Simon Potvin, que je crois pas a été dans la Luître. Je ne sais pas ça. Il me semble que non, bref. Je sais que lui est très très drôle. Ça, mais c'est une arme de destruction massive, de rigolade incroyable. Oh, tellement bien dit. Donc c'est avec le maître de jeu, Benoît Penneau. qui est un très bon maître de jeu, soit dit en passant. Rencontre amicale, comme on dit, il n'y a pas de prix à ça, il n'y a pas de coupe de rien, c'est juste... Non, c'est un match aller-retour. C'est ça. C'est une petite formule bien sympathique. Ce soir, ça... C'est le fun, c'est de les planter. Ben là, ouais. Hein, t'es, tu joues pas c'est agressif. Moi, pour le fun. En tout cas, là, sois gentil. C'est admission générale 7$ ce soir, 5$ pour les étudiants. Oui, exactement. Donc, c'est à la salle Louis-Philippe Poisson. C'est tout près de la bibliothèque. En fait, c'est au-dessus de la bibliothèque municipale à Trois-Rivières. Juste en face d'où vous allez payer vos tickets et vos plaques. Donc, oui, exact. Il y a de la bière du Trou du Diable. Oui. Si vous gardez votre billet... Tu vas avoir 15% de rabais sur une consommation au temps d'une pinte après le spectacle. Oui, oui, oui. C'est vraiment très, très cool, ça. Oui. Ouais. C'est comme un meet-up d'after-match. Absolument. Donc, c'est ce soir à 20h à la Maison des Cultures. Alors bien que sûr, le match d'hier soir était à 20h le lundi à la Chasse Galerie. Et ça va continuer la semaine prochaine. Ben oui, la semaine prochaine, c'est Vert contre Orange. Absolument. Donc, l'équipe de Nadia Tranchemontagne affrontera l'équipe d'Alexandre Remizwicki. Oui, Alexandre qui va venir juste de revenir du match là, à l'Emmuit. Ah oui, ça fait. C'est incroyable comment tout s'enchaîne rapidement. Absolument. Et après ça, ça va être la semaine de relâche. Donc, on vous reviendra par rapport à ça la semaine prochaine. Oui, je crois que durant la semaine de relâche, on vous réserve une belle petite surprise. Peut-être. C'est confirmé? C'est pas encore. C'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine. C'est ça. Et voilà. Merci beaucoup, Gabéhoud, pour ça. Hey, ça fait plaisir. Mais moi, je trouve qu'on a pas assez passé de temps ensemble. Non, je sais. Je pense que je vais aller me coucher, Mathieu. Ouais, c'est ça. As-tu de la misère à 30? Non, j'ai eu de la misère à me lever. Je pense que j'ai pleuré 7 fois à ma blonde de dire... On va pas à l'école, on a arrêté tout ça, puis on s'en va. Ben, c'est sûr qu'en finissant ta chronique de lundi soir le matin en pleurant avec Joss Garneau. Ah oui, ça part mal, hein. C'est que ça reste, tu sais, j'ai dormi, mais je me suis réveillé ce matin et j'étais en larmes. Mm. OK. Pourquoi? Je sais pas. C'est pas, hein. Ben, ça m'arrive souvent, là. Des fois, je me réveille, je crie, pis tout ça. Il y a des pilules pour ça. Hein. Est-ce que tu dors sur le dos, sur le ventre, sur le côté? Moi, je dors sur le côté. Ça va mieux pour pleurer, hein. Oui, ouais, je peux pas me noyer dans mes larmes. Quand tu couches sur le dos, on s'entend que ça redescend le nez, puis c'est pas. Ouais, c'est ça. C'est pas très plaisant. C'est ça. Non. Tes larmes, est-ce que sont salées? Hein? Tes larmes sont salées? Toutes les larmes sont salées. Elles tombent sur les larmes de mon plancher. Ah, comme dans la chanson, hein? Elle est bonne, ça, t'as c'est qui ça, non? C'est pas. Le belge, là, comment il s'appelle? Il y a comme une moustache, puis les cheveux longs, là. Lucas malade. Francis Cabrel. C'est lui, hein? Ça se peut. C'est lui qui chante Petite Marie aussi, je pense. Ouais. Je connais pas assez ça. Il avait un look incroyable à la fin des années 80, mesdames et messieurs. Je disais, oh, oui, Francis Cabrel. Oui. La chanson Encore et encore. Oui, de ça. Ouais. Il fait aussi Gardien de zoo. C'est lui. Mm. Un autre tune quand même cool. Mm. C'est pas lui qui chantait Je l'aime à mourir? Oui. Ouais. Sarbacane aussi, hein. Sarbacane? Ouais. C'est quoi ça? Ben oui. C'est bien ce que je veux dire. Ça, c'est Google qui se fait aller. Est-ce que Sarbacane n'a jamais entendu ça de la vie, moi, c'est tout de même. Est-ce qu'il est encore vivant, François Cabrel? Ben oui. Oui, il a sorti un album l'an passé. Ah ouais, pour vrai? Ah oui, wow. Ça jouait. Moi, j'avais la chance de travailler. Ben, la chance. Je travaillais de soir, là, dans le fond, de 7 à 2 heures du matin cet été, en voiture, surtout. T'sais. Puis entre minuit et 2 heures, tous les meilleurs succès francophones ressortent. Je pense que j'ai entendu là, Bad Blood à peu près 750 000. C'est laquelle déjà, ça, Bad Blood? Ça, c'est Taylor Swift. Ouais, ah, OK, excuse-moi. Il est allé hier habillé en genre de là, des vidéos de chant. J'ai pas vu, j'ai pas écouté les Grammys hier, malheureusement. Ouais, tu vas pas manquer grand-chose, je pense. C'est ce que j'ai entendu dire. Non, c'est sûr. Ils ont déjà remis l'album Metal de l'année. Ouais, ils ont déjà remis, le 2 ans, je pense, l'album Metal de l'année à Tenacious D. T'sais, j'ai rien contre Tenacious D, c'est quand même pas mauvais, mais là, il est toujours bien des limites. On se calme. Hein? Hey, hein? C'est ça. Qu'est-ce que vous dites le D dans Tenacious D? Ouh! Un D tenace. Un comment? Tenace. Ouais, D tenace. Hey, merci, Gabriel. Ça me fait plaisir. On doit y aller pour vrai, on a une autre chronique. C'est... Ah oui? Ouais. Bon, ben... Tania. Bonne fin de journée. Bonne journée. Bonne journée. Hein? Prends ça au sérieux. Ah, ben, si c'est la fin, je pitch mes écouteurs, je mets ma tuque des Boston Bruins de Boston. Bon. Boston. Est-ce que t'as de la crème dans le centre de ta tête quand tu portes ça? Parce que les crêpes Boston, c'est bon. Ah, si, c'est bon. Ah! Ça va voir tout ce qu'il y a dans ma tête. L'agent de gouache. Beige. Beige. Sucré. Dans quelle région t'as dit beige, là? Beige. Ça reste. Ça reste. Ouais, on rit aussi que je dis case. Aller à case. 15? Case. À caisse? Comme à caisse des jardins, ça? Ouais, à caisse. Ok. À caisse. Ok, il dit pas caisse, il dit caisse. Ah, hey, ça me rappelle l'impro hier où on parlait tout le temps de. Tu sais, à cause de Johnny. Oui. Tu sais, si, il y avait Johnny au moins, tu sais, si je voulais avoir du fun, il y avait Johnny. Moi, j'ai sorti l'excellent gag. J'ai une petite régale le matin, je m'en vais de Johnny. Johnny. C'est un jeu de mots de Johnny puis de déjeuner. C'est seulement Johnny. C'était mon préféré hier soir, fallait que j'en parle. Merci encore, Gab Beaud. Merci, Gab. Puis jamais cette chronique. On prend une pause, au retour. Ce sera la chronique de Tania Is Gun Entertain. C'est là. Vous êtes assez fait, 89. Assemblage Reiki est présenté en collaboration avec l'AGE UQTR. Vous écoutez Assemblage Reiki en ce mardi 16 février 2016 et Tania Baudin. Avec Mathieu Plante. Ah oui, vous arrivez exactement au bon moment si vous arrivez là. En fait, je ne vous connais pas, vous faites bien ce que vous voulez, votre horaire ne dépendra pas de nous. Ce n'est que votre choix. Mais on ne bâtit pas notre émission en fonction de quand est-ce que vous êtes dans votre char, on ne sait pas. Vous êtes que vous vous levez. C'est tous différent. Bon. Ouais. Bref, on ne généralise pas. On sait par contre que la plupart des gens aiment bien Tania Baudin. Oh, t'es donc bien fin. C'est vrai, la plupart des gens disent « Mathieu Plante a de parler, laisse parler Tania, is gonna entertain ya. » Méchante par contre. C'était une petite Tania qui voulait être pour des médias. Oh, wow. Mais elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école c'est Tania. And she's gonna entertain ya. Hey, claquement de doigts. C'est du gros n'importe quoi, cette intro-là. C'est de la synchronisation musicale. Ouais. On a ça dans le sang. Ouais. Tania, c'est ta première chronique de la semaine, il n'y en a pas eu hier. Oui, en effet, parce qu'on avait trop d'invités, mais c'est pas grave, parce que c'était des invités qui en valaient vraiment la peine. Voilà, donc tu t'es tassé, comme tu sais si bien le faire. Comme une si bonne animatrice, ouais. C'est tassé, comme de la cassonade. Ah, ça se tasse? Ouais, mais tu tasses, c'est comme la compilée. Ah, oh, comme une tasse de cassonade. Non, pas de tasse, c'est tasser ta cassonade, comme la mettre vraiment comme compacte. Ah, oh, ouais, je savais pas, c'est un terme. Bref, on parle de quoi aujourd'hui? C'est-tu brun et granuleux? Est-ce que c'est brun et granuleux? Ça pourrait l'être. Ça pourrait pour certains sujets dont lesquels j'ai parlé. Non, ça a été comme plus simple. C'était bien plus fun de dire oui. Puis, en fait, comme je le fais la plupart du temps le lundi, je reviens un peu sur des sujets que j'ai découverts durant la fin de semaine. Mais comme hier, comme tu l'as dit, comme j'ai pas fait de chronique, ben je le fais aujourd'hui. Fait que voulez-vous, vous avez pas le choix. Mardi est mon lundi. C'est ça. Puis ça veut pas dire que les gens l'écoutent mardi, peut-être qu'ils l'écoutent mercredi, jeudi, lundi, mardi, voilà. Samedi, on sait pas. On sait pas. Bon. Le premier sujet dont je veux vous parler, la première chose que j'ai découvert, en fait, c'est un film. C'est un film qui a fait beaucoup parler parce que certains disent que c'est pas à la hauteur des attentes. Certains disent que ça a été excellent. Certains disent que le jeu des acteurs a été pourri. Et d'autres disent que le jeu des acteurs est le meilleur jeu qu'ils n'ont jamais vu. On s'entend pas bien là-dedans. Donc, non, on s'entend vraiment pas. Mais moi, mon opinion personnelle, si vous la voulez, si vous vous fiez à moi pour écouter un film, je ne sais point. Petit mouton. J'ai trouvé ça quand même assez bon. J'ai trouvé ça quand même très bon. Je donnerais moi-même un 7.5 sur 10. Non, c'est toujours pas de quoi tu parles. Vous savez toujours pas de quoi je parle. Je parle du film Burnt en anglais, mais en français, ça s'appelle Brûler un chef sous pression. Ah. C'est le film qui est sorti en, si je ne m'abuse, c'était novembre dernier. C'est avec Bradley Cooper. C'est le fameux film où Bradley Cooper joue un chef de cuisine de renom qui, malheureusement, après quelques années, a tout foutu sa carrière en l'air et a dû s'exiler dans un autre pays pour pouvoir aller ouvrir des huîtres. Et après un certain temps, il revient à la charge à Londres et décide vraiment de remettre sa carrière à neuf, de repartir et surtout de gagner la troisième étoile Michelin au Guide Michelin. Parce qu'il en a déjà deux. Est-ce que tu savais que Bradley Cooper avait déjà joué un chef dans une sitcom? Non, je savais pas ça. De 13 épisodes Kitchen Confidential, il jouait le rôle de Anthony Bourdain. Le fameux Anthony Bourdain. Pour vrai? Je te le jure, dans Kitchen Confidential, c'était en 2005. Huh, eh bien, je ne savais pas. Mais ça m'a intrigué parce que je me suis dit, il me semble, chef de cuisine, Bradley Cooper, ça me fait chose. Ben voilà. Mais je dois dire, déjà en partant, que la cote des journalistes, la cote de la critique est beaucoup moins bonne que la cote du public. Le public semble beaucoup plus apprécier le film que les critiques eux-mêmes, mais c'est souvent ce qui arrive. Mm-hmm. Ça, on sait, là, ça, c'est pas nouveau. Hein? Non. Comme je l'avais dit, Bradley Cooper joue dedans. Il y a aussi Sienna Miller. Daniel Brühl. Qui est Daniel Brühl? C'est le fameux acteur qui a joué Niki Lauda dans Rush. Okay. Moi, j'avais beaucoup, beaucoup aimé le jeu d'acteur que ce gars-là a apporté et de l'avoir vu dans simplement un deuxième film. Je ne l'avais pas vu après ça. C'est le premier film dans lequel je l'ai revu. J'ai beaucoup, beaucoup apprécié la différence de personnage qu'il avait, mais surtout le tonus d'acteur qu'il a. Et ça, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, que ce soit dans un film ou dans l'autre. J'aime l'acteur. Donc, de ce côté-là, déjà en partant, je commence avec une longueur d'avance pour apprécier ce film-là parce que les acteurs, je trouvais que c'était de bons acteurs et j'ai beaucoup aimé la confiance, mais je dirais plutôt, le jeu de Bradley Cooper et aussi l'interprétation de Bradley Cooper parce qu'il nous fait vraiment croire que oui, il pourrait être un chef de cuisine de renom. Ah ben, ok, ouais, ok. Faut que je la mette sur Facebook, là. Ok. Mais regarde, genre, la photo de Kitchen Confidential. Oh mon Dieu! Et la photo de Burnt. Ouais. C'est la même affaire. C'est la même chose. Et en France, est-ce que ça s'appelait À Vif, ton film, Burnt? Oui, exactement. C'est À Vif. Ouais, je sais, c'est pas du tout la même chose. En fait, le film a changé plusieurs fois de nom. Parce qu'au début, il ne s'attendait pas vraiment à savoir comment est-ce que ça allait s'appeler. L'histoire ne tournait même pas autour du même chef de cuisine. Okay. Le chef de cuisine dans l'histoire du film, c'est Adam Jones. Par contre, au départ, ce n'était même pas son histoire à lui. C'était une histoire d'un chef connu. Ils ont décidé de mettre le nom du chef connu comme titre. Ah. Par la suite, ils ont décidé de changer le chef connu pour un chef complètement imaginaire dans l'histoire du film. Donc, ils ont changé le nom du film. Et ça l'a changé de nom à peu près 4 fois pour finalement arriver à Burnt et en français, brûler un chef sous pression. Je trouve que le titre, quand même, en français, est pas si mal, ouais, honnêtement. Il est quand même pas mal et, mieux. Hein? Ouais. Malgré le fait qu'en anglais, ce soit simplement Burnt, brûler, un chef sous pression explique quand même tout ce qui va venir dans l'histoire du film. Ouais. Et c'est ce que j'apprécie. Et sûrement qu'il y avait déjà un film qui s'appelait Brûler en français, donc ils n'ont pas eu le choix de trouver d'autres choses pour aller. Sûrement. Ouais. Je dois avouer que je l'ai écouté en anglais. J'aime mieux écouter des films en anglais. Par contre, Bradley même Cooper si je anglais. L'ai écouté en français, il y a une chose que je me suis demandé. Parce que sachez que Bradley Cooper parle couramment le français. Ah. Et dans le film, l'histoire se déroule à Londres. Par contre, plusieurs Parisiens qui viennent s'intégrer au film. Et on parle beaucoup français dans la version originale. Mais là, on parle français, évidemment. On parle français cassé, là, parce que ce sont des Londoniens qui vont parler français. Mm. Par contre, j'ai grandement apprécié le fait qu'ils ont gardé ça brut comme ça, qu'ils n'ont pas traduit même dans la version originale le français. C'est vraiment Bradley Cooper qui parle français, Sienna Miller. Il y a quelques acteurs qui sont déjà à la base parisiens qui, eux, vont parler en anglais tout au long du film. Par contre, il y a une chose que je me demande, c'est si on l'écoute en français. Ben souvent, dans des séries ou des films qui doivent faire, qui ont une situation comme celle-là, ils vont changer le français pour une autre langue. L'anglais. Mais là, t'es clairement à Paris, mettons. Ouais. Tu peux pas vraiment les faire parler En fait, ça se déroule espagnol. À Londres, mais ce sont des Parisiens qui viennent rejoindre l'équipe. Bon, parfait, ok. Si tu viens de te le dire, je savais pas vraiment assez écouté là-dessus, mais ça, ils vont les mettre, ça va être des Allemands. Tiens, ça va être des Allemands. Sûrement, quelque chose comme ça. Ouais, sûrement. Le film a été réalisé par John Wells. Le scénario est de Stephen Knight. Et moi, j'aime beaucoup le scénario, en fait. Okay. C'est l'histoire, vraiment. Il faut comprendre que c'est l'histoire d'un gars qui a vraiment tout foutu sa carrière en l'air il y a quelques années. Il avait déjà 2 étoiles Michelin et il tente d'avoir sa 3e étoile Michelin après avoir remis sa vie sur un droit chemin. Mmh. La critique dit que c'est pas bon parce que les inspecteurs du guide Michelin prennent pas leur décision d'octroyer 1, 2 ou 3 étoiles à un restaurant sur le champ directement après que ça soit ouvert. Et tout se joue pas simplement en un seul service. OK. C'est ce qu'on dépeint dans le film, mais évidemment, c'est un film. On peut pas passer 3 mois à se dire « OK, on va simplement jouer les inspecteurs du guide Michelin sur 3 mois dans un film. » Il faut que ça se passe rapidement. C'est un film qui dure même pas 2h30. Okay. C'est même pas 2h, en fait. Ouais. C'est 1h40. Donc, de ce côté-là, je trouve que la critique est quand même très, très difficile et très dure envers eux. Moi, j'ai beaucoup apprécié le film. Voilà. Voilà. Et en passant, j'arrête pas de faire une parenthèse sur Kitchen Confidential, mais c'est très très bien coté quand même, 8,3. Il y a juste une saison, si tu l'as vu sur DVD, et je lisais le petit résumé, et ça dit « Jack Bourdain, un chef qui était célèbre, a frappé le fond du baril. » C'est un peu c'est souvent ça, ouais. C'est un peu le même genre. Ben, en fait, je pense que c'est ce chef-là qui était à la base de l'histoire du film. Ah! Si je me souviens bien, je veux pas m'aventurer à dire n'importe quoi, mais si je me souviens bien, c'était ce chef-là parce que j'ai lu un article disait justement qu'à la base, ça s'inspirait d'un vrai chef, cette histoire-là. Étrange. C'est à se demander si c'est pas la version film de cette série-là qui a pas eu de succès du tout sur la télévision. Ah, peut-être. On va se renseigner, mais c'est bon. Deuxième découverte de la fin de semaine, on change complètement de créneau. Je vous parle d'un artiste, en fait une artiste, qui est Véronique Perron. Vous pouvez la retrouver sur Facebook pour voir ses œuvres sous le nom de Perron Artiste Peintre, si jamais vous voulez aller voir. Qui est Véronique Perron? Eh bien, c'est une trifluvienne dans la début trentaine. Comme je l'ai dit, elle est originaire de la Mauricie. Elle travaille avec des designers d'intérieur et elle travaille aussi en service corporatif. Donc, si jamais vous redécorez votre maison, vous cherchez une super de belle toile, une immense toile, allez faire un tour sur sa page Facebook parce qu'elle va vous répondre assez rapidement aussi. Et c'est les prix sont pas... exorbitants. Exactement. Et ce sont d'incroyables toiles. J'aurais dû en parler avec Marie-Christine hier, j'y ai pas pensé, mais elle fait dans l'abstrait, il faut savoir. C'est super beau, il y a beaucoup, beaucoup de mouvements et de textures dans ces toiles. Bien souvent, les couleurs vont toujours être très, très présentes et très, très éclatantes. Il y a certaines pièces, par contre, vous allez voir, il y en a une en particulier, c'est simplement du noir, du gris, du blanc. On y va vraiment avec les émotions de ce côté-là, et elle le dit elle-même. Elle peint avec son cœur, elle peint avec ce qu'elle a vécu durant la journée, donc ses toiles reflètent beaucoup, beaucoup de ses émotions à elle. Ce que j'aime beaucoup, c'est le mouvement circulaire qui revient la plupart du temps dans toutes ses toiles. Vous pouvez aller voir, jeter un petit coup d'œil si vous aimez vraiment les mouvements circulaires. Il y a beaucoup de ses toiles qui se sont retrouvées dans au Kinipi Spa. Ils ont pris plusieurs de ses toiles pour justement la couleur bleue, la couleur blanc, mais surtout le mouvement circulaire. Et c'est quelque chose que j'aime couponing. Bien. On dirait le mot pour du couponing. C'est vrai. Je fais du mouvement circulaire. Non. T'as pas d'allure. T'es vraiment cool. La pièce que j'apprécie fortement de toutes ces toiles que j'ai pu regarder et admirer, c'est celle qui s'appelle Capacity. C'est des couleurs dominantes de bleu, d'or, il y a aussi du blanc. Mais il y a encore ce fameux mouvement circulaire-là qui revient, mais on dirait surtout une immense toile de la Terre, sans même qu'elle en ait vu elle-même quelque chose comme ça. C'est vraiment mon interprétation personnelle. Mais on dirait vraiment une immense toile qui vient vraiment représenter la Terre. Je vous répète le nom, c'est Capacity. Vous allez pouvoir voir sur sa page d'artiste peintre. C'est une superbe toile. Malheureusement, elle a déjà été vendue. Bon. Mais elle en met des nouvelles à chaque semaine. C'est une productivité assez incroyable de ce côté-là. Elle est seule dans son atelier. Puis, il y a plusieurs de ses toiles qui sont un petit peu partout à travers Trois-Rivières, dans certains commerces. Et elle a fait parler d'elle aussi à la Jeune Chambre de commerce de la Mauricie il n'y a pas très, très longtemps, comme une artiste peintre qui, justement, se met de l'avant pour Trois-Rivières. Et je trouve ça vraiment bien de le souligner. Mm-hmm. C'était ma deuxième découverte de la fin de semaine. Ma troisième découverte de la fin de semaine, en fait, c'est une initiative, c'est un nouveau projet. C'est la boutique en ligne Le Valet. Et là, je vais vous dire comment l'écrire sur Facebook si jamais vous voulez aller voir. C'est XII, donc 1-1, mm-hmm. V, okay. Le Valet. XIIV Le Valet. Oui, XIIV, c'est comme des chiffres romains, oui. En fait. XIIV Le Valet. Tapez pas simplement Le Valet parce que vous n'allez pas nécessairement trouver la page. Il faut vraiment que vous ayez les chiffres. C'est un partenariat avec la boutique déjà existante en ligne Arfan Clothing. Mm-hmm. C'est une initiative de deux gars d'ici, de Trois-Rivières. Donc, on parle de Joe Verono et de Patrick Joseph Christopher Cossette, qu'on connaît souvent plus sous le nom de Pat Cossette. J'imagine, oui. Le rappeur de Trois-Rivières. C'est sauvé une demi-heure. en fait, tout le monde magasine en ligne aujourd'hui. Je sais pas si toi, t'es du genre à faire ça. Ben oui. Il y a beaucoup de gens qui achètent des vêtements en ligne. Moi, je suis rendue à plus regarder ce que je veux sur Internet. Si je suis capable, s'il y a une boutique ici pas loin, je vais passer pour aller essayer les vêtements. Mmh. Mais bien souvent, j'aime regarder ce que je vais acheter en ligne. Et c'est un peu la lignée qu'on s'est donnée aussi d'y aller en boutique en ligne. Donc, les vêtements sont simplement retrouvables sur le site Internet. Est-ce que la plupart du temps, quand tu commandes des vêtements en ligne, ils te font ou tu dois les retourner? Non, la plupart du temps, ils me font. OK. Mais parce que tu connais ta taille dans des marques ou... Ouais. Ouais. Ben, j'irai pas magasiner sur un site internet, mettons, japonais. Ouais, parce sachant que très pareil, bien ouais. que j'ai pas la shape d'une japonaise. j'ai rien contre la shape des japonaises, mais elles sont faites beaucoup plus petites que les canadiennes, mettons. Ouais. Donc, de ce côté-là, je magasine dans des boutiques où je magasinerais en temps normal. Ouais. Sur internet. Mm-hmm. Allez faire un tour parce que c'est vraiment beaucoup, beaucoup. Beaucoup de produits. Il y a beaucoup de coton ouaté, il y a beaucoup de styles urbains. Vous allez voir si vous aimez le style un peu skater puis tout ça, vous allez probablement apprécier la ligne de vêtements. Il y a des vêtements aussi pour femmes. Et ce que j'aime beaucoup sur la page Facebook du Valet, en fait, de la boutique en ligne, c'est qu'il y a une charte de quelles sont les grandeurs. Donc, si vous allez sur le site Internet, vous n'êtes pas nécessairement certain de la grandeur que vous devez prendre, eh bien, allez voir sur la page Facebook. Il y a deux photos qui vous expliquent comment est-ce que ça fonctionne pour les grandeurs, okay. que ce soit les T-shirts ou les cotons ouatés. Est-ce que tu dois te mesurer avec un galon, tout ça? Bien, ça fonctionne en centimètres, donc okay. C'est pour vous. Mm-hmm. J'imagine. Oui, cool. Vous pouvez aussi les suivre sur Instagram. Ils se sont partis à un compte Instagram, donc ils vont mettre de leurs photos là, en plus de le mettre sur Facebook, si jamais ça vous intéresse. Et je voulais aussi dire, pourquoi est-ce que ça s'appelle le Valet? Ouais. En fait, il y a un des deux gars qui est parti de la compagnie, Joe Verono, qui a écrit sur Facebook cette fin de semaine un long, long texte à savoir qu'est-ce que voulait dire le Valet. Et j'en ai pris une certaine partie qui, je trouve, représente bien ce que c'est. Et je vais vous la lire. Parce que dans la vie, tout le monde travaille pour quelqu'un. Nous aussi. Ceux qui me connaissent savent que j'en ai mangé des grilled cheese puis de la soupe aux légumes, puis je suis loin d'avoir fini. Le valet est noble, le valet est fier, le valet sait ce que c'est que de dédicacer sa vie pour servir le roi. Mais sans valet, le roi fait quoi? Le valet représente le travail d'une vie pour, oui, servir, mais aussi arriver à ses propres fins. Si toi aussi t'aurais envie de souffler dans un sac de papier brun rendu dans ton lit le soir, parce qu'entre la job, l'école, ton rêve, la vie qui va vite, les distractions, tu continues de perdre tes cheveux parce que t'as un but à réaliser et que t'as pas l'intention de l'abandonner, le valet, c'est ça. Wow, c'est bien dit. C'est bien dit. Est-ce qu'il y a un commentaire qui dit « étoile dédiée » pour corriger son dédicace? Non, je suis parce désolée. Que ce serait mon genre de commentaire sur ça. Ouais, c'est vrai. Ça veut dire signer sur quelque chose. Ouais, je sais. Pardon. Mais tout bref, ça pour expliquer que le valet, c'est pour les gens qui... N'importe qui... Puis, il le disait lui-même dans le texte, « Vous aimez ça, vous aimez ça, vous aimez pas ça, vous aimez pas ça. Je vais pas vous forcer la main à venir acheter de nos vêtements ouais. si vous aimez pas le style urbain ou quoi que ce soit. Allez-y selon vos goûts. Moi, je vous donne le hit d'aller faire un tour sur la page Facebook parce que c'est vraiment avec la page Facebook que vous allez arriver à aller sur le site même. Mm-hmm. Parce que sinon, c'est vraiment trop long à vous expliquer comment ouais. vous rendre sur le site. C'est en partenariat, donc automatiquement, c'est pas, exemple, levalet.com. Ouais. C'est un pour autre l'instant. Site. Ouais. C'est un autre site qui va vous arriver au Valet. Donc, allez-y. Jetez un coup d'œil. Les cotons ouatés sont vraiment sharp. Ouais. Là. Ouais. Sharp. Il y en a pour filles, il y en a pour gars. Donc, allez-y, allez faire un tour. Vous allez voir ce qu'ils vous offrent. Le Valet, on va aller voir ça, comment on dit. Le Valet, on va aller voir on ça. On va aller voir ça. Et je me suis dit ouais. Que la semaine dernière, je vous avais fait découvrir un groupe qui était Wayfarers. Et dans une de leurs chansons que je vous avais présentée, il y avait la chanson « Just Her Style ». Et je trouve tellement que le valet, ça pourrait très bien aller avec ça. Ah, que c'est bien dit, ça! Hey, hein? Daniel's gonna entertain! Jester Style, Wayfarers, un band que je vous avais fait découvrir la semaine dernière et qui se colle très bien à la boutique Le Valet. Oui, rappelle-nous les autres sujets que tu as discuté aujourd'hui. On a discuté du film Brûlé, un chef sous pression, mm-hmm. le film avec Bradley Cooper, l'artiste peintre Véronique Perron que vous pouvez retrouver sur Facebook sous la page Perron Artiste Peintre, ainsi que Le Valet que vous pouvez trouver sur Facebook avec la page X IIV Le Valet. Voilà. Merci, Tania voilà. Baudin. Ça fait plaisir. À demain. À demain. Justement, parlant de à demain, ben, c'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. On remercie Gabriel Béhout pour sa chronique dans les quiz à la huître, ainsi que Jimmy Thibodeau pour C'est dans le monde que ça se passe. Demain, entre 6h30 et 9h30, on va avoir à 8h Sébastien Gartin pour sa chronique Bulletin Gartin. On parle d'actualité à l'international. Et ensuite, à 8h30, c'est Frédéric Bernard et son segment Google Globe. On va parcourir Internet en lui posant une question absurde. C'est demain entre 6h30 et 9h30. Sur nos ondes aujourd'hui, bien sûr, à 11h, il y a le Dîner de con, en fait, de retour. Le Dîner de con qui était pas hier, donc c'était à 11h. Ensuite, à 13h, Rock de Neuron en rappel. À 15h, nous serons de retour, Tania et moi, pour les Palmarès C'est fou. Mm-hmm. Le top 40 de la semaine. Ensuite, à 19h, réanimation avec du métal et de l'horreur. C'est Poissière pour la programmation complète. Assemblagerequis.com pour les notes de l'émission et les balado-diffusion. Passe une belle journée, Tania. Oui, bonne journée à toi aussi. Ah oui! Bon café à tous. Oui, j'étais vraiment sur le bord de partir avec du Francis Cabrel encore et encore à cause de Gab Béhoud, mais... Je suis en train de lire... Ah ben, on peut se laisser avec du Francis Cabrel, pourquoi pas? Mal! Quoi? T'aimerais pas ça, Mathieu? Hey, j'ai un duo là, entre Francis Cabrel et Céline Dion devant les yeux, là. Mais j'ai choisi de faire jouer les connards à l'orange. Oh, mais voyons. Rabat-joie. Hein. Hop, un extrait. Ah. Oh! Oh! D'abord vos corps qui se séparent. T'es seul dans la lumière des phares. Et t'entends à chaque fois que tu respires comme un bout de tissu qui se déchire. Et ça continue encore et encore. Et c'est que le début d'accord. Ah d'accord. Encore et encore. L'instant d'après, le vent se déchaîne. Les heures s'allongent comme des semaines. Et tu te retrouves seul, assise par terre, à bondir à chaque bruit de portière. Mais ça continue encore et encore. C'est que le début d'accord, d'accord. Une entreprise enfin qui ose vendre des choses qui servent à quelque chose. Je sais que ça fait drôle à attendre. C'est un petit peu comme un non-sens. Attends de voir ce qu'on a à vendre. On a des cœurs de jouvence pour rendre leur jeunesse aux vieux. Et puis des ailes de plaisance pour faire s'envoler les curieux. On a des éclats de rire en canne et puis de la gentillesse en vrac. Des repas qui finissent jamais, des bouteilles d'eau toujours remplies. On a des amours immortels et des amitiés infinies. Des secondes chances contre les erreurs, on va le droit de recommencer. Enfance pour ceux qui sont faites partasser. Du savon qui lave les consciences. Des arbres qui poussent en une journée. Un seul bon pour toutes les souffrances. C'est quand même pratique à traîner. C'est quand même pratique à traîner. Le magasin des choses utiles. C'est comme un magasin normal. Le magasin des choses utiles. Sauf notre stock de sourire d'enfant pour petits vieux sans descendant. On a des membres de remplacement, on a même des nouveaux cerveaux. J'espère que les épais souvent soient convaincus d'avoir ce qu'il faut pour réfléchir convenablement. Les chiffres sont un peu décevants. Des cerveaux, on en va pas gros. Des cerveaux.